Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 32. De l'aumône. Nature de l'aumône. Aumône spirituelle. Aumône corporelle. Laquelle est la plus parfaite? Effet de l'aumône corporelle. Du précepte de l'aumône. Le superflu et le nécessaire. 1. L'aumône était l'un acte de la charité. Si un homme qui allait bien de ce monde, voyant son frère dans la détresse, lui ferme son cœur, comment aurait-il l'amour de Dieu? 1 Jean 3:17. On définit assez communément l'aumône. Un acte qui consiste à donner quelque chose à un indigent par compassion et pour Dieu. Cette définition fait voir que l'aumône appartient à la vertu de la miséricorde. La miséricorde appartenant elle-même à la charité, comme son effet, il s'ensuit que l'aumône est un acte que la charité produit par l'intermédiaire de la miséricorde. Note. On peut faire l'aumône sans avoir la charité, dira quelqu'un. L'aumône n'est donc pas un acte de cette vertu. L'acte d'une vertu peut s'entendre matériellement et formellement. Faire une chose juste est un acte matériel qui peut exister sans la vertu de justice. Ceux qui ne possèdent pas la vertu de justice font des actions justes par raison, par crainte ou dans l'espoir du gain. Mais faire des actions justes, comme un homme juste les fait, avec facilité et plaisir, voilà ce qui n'existe jamais sans la vertu elle-même. Pareillement, donner l'aumône matériellement est un acte qui ne suppose pas la charité, mais donner l'aumône d'une manière formelle, en vue de Dieu, avec plaisir, promptement et en observant toutes les autres conditions requises. Cela est impossible sans la charité. Fin de la note. 2. Distingue-t-on plusieurs sortes d'aumônes? Il convient de distinguer cette aumône corporelle et cette aumône spirituelle, qui répondent à autant d'infirmités du corps ou de l'âme. Quant au corps, il y a des infirmités générales que tous les hommes peuvent éprouver, parce qu'elles tiennent à ce qui est nécessaire à tous, ce sont la faim, la soif, la nudité, le manque d'asile. Il y a aussi des besoins spéciaux et accidentels, comme la maladie, la captivité, et, après la mort, la sépulture. De là cette espèce d'aumône corporelle, donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, exercer l'hospitalité, visiter les infirmes, racheter les captifs, ensevelir les morts. Quant à l'âme, on éclaire l'intelligence spéculative par l'instruction, et l'intelligence pratique par les conseils. On soulage la douleur par les consolations, on redresse les inclinations déréglées par la correction fraternelle, on enlève les offenses par le pardon, on remédie aux défauts par la patience qui les supporte. On est utile à toutes les infirmités en général par la prière. De là cette espèce d'aumône spirituelle, enseigner les ignorants, donner des conseils, consoler les affligés, reprendre les pécheurs, pardonner les offenses, supporter les faiblesses d'autrui, prier pour les autres. 3. Les aumônes corporelles sont-elles supérieures aux aumônes spirituelles? Absolument parlant, l'aumône spirituelle est supérieure à l'aumône corporelle. Le don qu'elle fait plus noble en lui-même, un bien spirituel est préférable à un bien corporel. L'esprit l'emporte sur le corps, on doit pourvoir aux besoins de l'âme plutôt qu'à ceux du corps. Les actes spirituels sont d'un ordre plus élevé que les autres. Cependant, dans un cas particulier, l'aumône corporelle peut l'emporter sur l'aumône spirituelle. Si, Par exemple, un homme devait périr de faim, il faudrait l'alimenter avant de l'instruire. 4. Les aumônes corporelles ont-elles un effet spirituel? L'aumône de l'homme, a dit le Saint-Esprit, est devant Dieu comme un sceau, il gardera le bienfait de l'homme comme la prunelle de l'œil. Ecclésiastique 17-18. L'aumône corporelle, considérée dans sa substance, n'a qu'un effet matériel, qui est de soulager dans le prochain les souffrances du corps. Mais si vous l'envisagez dans sa cause et dans ses effets, elle produit très certainement des fruits spirituels. Elle en a d'abord un par sa cause même, en tant que quelqu'un la donne par amour de Dieu et du prochain. L'Esprit Saint nous dit, sacrifiez votre argent pour votre frère, placez votre trésor dans la loi du Très-Haut, et il vous sera plus utile que l'or. Ecclésiastique 29, 13 et 14. Elle produit un autre fruit spirituel par ses effets, lorsque le prochain secouru est porté à prier pour son bienfaiteur. Aussi l'écrivain sacré ajoute, cachez votre aumône dans le sein du pauvre, elle priera pour que vous soyez préservés de tout mal. 5. L'aumône est-elle de précepte? Il y a des hommes qui sont punis des peines éternelles pour avoir omis de faire l'aumône, on le voit dans l'évangile, Matthieu 25. L'aumône est donc de précepte, et, en effet, l'amour du prochain exige non seulement que nous voulions du bien à nos semblables, mais encore que nous leur en fassions, comme le marque ce texte, n'aimons pas en parole et de bouche, aimons en œuvre et en vérité. 1 Jean 3 18. Pour vouloir le bien du prochain et l'opérer efficacement, il est clair qu'il faut lui venir en aide dans la nécessité, par le moyen de l'aumône. Toutefois, les préceptes affirmatifs n'ayant jamais pour objet que des actes vertueux, l'aumône n'est obligatoire que comme acte de vertu. Dès lors elle est soumise aux conditions requises par la droite raison, qui veut que l'on considère celui qui donne et celui qui reçoit. Celui qui donne doit faire l'aumône avec son superflu, selon cette parole, faites l'aumône de votre surplus. Luc 11, 41. Mais qu'est-ce que le surplus ou superflu? Faut-il entendre tout ce qui n'est pas nécessaire aux riches, considéré comme simple individu? Non, mais ce qui n'est nécessaire ni à lui ni aux personnes qui sont à sa charge, c'est-à-dire ce qui, suivant les exigences de sa dignité, dépasse le nécessaire de sa maison. Car il faut qu'il pourvoie d'abord à lui et à ceux dont il est chargé, avant de subvenir, avec ce qui lui reste, aux nécessités des autres. Celui qui reçoit doit être dans la nécessité, autrement il n'y aurait pas de raison pour lui faire l'aumône. De plus, comme il est impossible qu'un seul homme secoure tous les pauvres, une nécessité quelconque n'impose pas une obligation rigoureuse de donner l'aumône. Le précepte a pour objet le cas de nécessité extrême où un indigent est dans l'impossibilité de pourvoir à sa subsistance. À ce cas seulement s'appliquent ces paroles de saint Ambroise, donnez de la nourriture à celui qui va mourir de faim, si vous ne l'alimentez pas, vous le tuez. Ainsi donc, donner l'aumône avec son superflu, et la donner à celui qui est dans l'extrême nécessité, voilà le précepte. Les autres aumônes sont de conseil. Note. Il est une circonstance où l'on commet un péché mortel, si on refusait de donner l'aumône, c'est lorsque, d'un côté, un indigent, dans l'extrême nécessité, n'a personne pour le secourir, et que, de l'autre, il se trouve un homme ayant un superflu qui ne sera pas nécessaire à son état présent, selon les probabilités les plus raisonnables. Fin de la note. 6. Quelqu'un doit-il donner l'aumône avec son nécessaire? Le nécessaire s'entend de deux manières. Une chose est nécessaire, d'abord, lorsque sans elle on ne pourrait pas exister, on ne doit pas en faire l'aumône. Un homme qui n'aurait strictement que ce qu'il lui faut pour se sustenter, lui, ses enfants et les personnes dont il est chargé, ne pourrait pas faire l'aumône avec ce nécessaire, ce serait ôter la vie à lui et aux siens. J'accepte le cas où il s'agirait de conserver la vie à une personne utile à l'Église ou à l'État, car, le bien général devant être préféré au bien particulier, il est louable de s'exposer soi-même ou d'exposer les siens pour procurer le bien public. En second lieu, une chose est nécessaire lorsque sans elle on ne saurait, avec les personnes dont on est chargé, vivre convenablement suivant sa condition. La limite d'un tel nécessaire n'est pas un point indivisible, on peut y ajouter beaucoup sans la dépasser, ou en retrancher beaucoup sans se mettre hors des convenances de son état. Faire l'aumône en prenant sur ce nécessaire est une action digne d'éloge, mais c'est un conseil et non un précepte. Ce serait un désordre de diminuer tellement ses biens pour faire des aumônes, qu'il fût désormais impossible de vivre convenablement selon sa condition et de faire face à ses affaires ordinaires. Chacun, dans la vie, a des convenances à garder. Il faut pourtant accepter trois circonstances. La première, c'est lorsque, voulant embrasser l'état religieux, on donne ses biens aux pauvres pour l'amour de Jésus-Christ, le changement d'état fait de cet acte une œuvre de religion. La seconde a lieu quand on peut facilement se racheter d'un sacrifice, de telle sorte qu'il n'en résulte pas pour soi un très grave inconvénient. La troisième est le cas d'une extrême nécessité dans un indigent ou d'une grande calamité au sein de la République. Il est louable, dans de telles circonstances, de sacrifier, pour venir au secours des autres, ce que semble exiger la dignité de notre condition. 7. Peut-on faire l'aumône avec des biens illicitement acquis? Il y a des biens illicitement acquis qui sont dus à leur maître sans que l'acquéreur puisse jamais les retenir, c'est le cas de la rapine, du vol et de l'usure. L'aumône ne se fait pas avec de tels biens, on est tenu de les restituer. Il y a des biens illicitement acquis que le possesseur ne peut point garder, quoiqu'ils ne doivent pas les rendre à celui dont il les tient, l'un et l'autre ayant agi contre la justice, par exemple, dans la simonie, où celui qui donne et celui qui reçoit transgresse la loi divine. Ces biens doivent être employés en aumône. Il y a des biens illicitement acquis, non que l'acquisition elle-même ait été injuste, mais parce que le moyen dont on s'est servi est mauvais, comme lorsqu'une femme obtient un bien par la prostitution, et c'est ce qu'on appelle proprement le gain honteux. Cette femme a péché contre la loi de Dieu en se livrant au crime, mais, en recevant ce qu'on lui a donné, elle n'a pas commis d'injustice, elle peut retenir ce qu'elle a acquis illicitement, et l'employer en aumône. Note. Toute chose étant commune dans l'extrême nécessité, on peut donner l'aumône avec le bien d'autrui à un homme qui va mourir, si l'on n'a pas d'autre moyen de lui sauver la vie. Quand on le peut sans péril, on doit obtenir la permission du maître. Fin de la note. 8. L'homme qui est sous la puissance d'un autre a-t-il le droit de faire l'aumône? L'homme qui dépend d'un autre ne doit user des choses pour lesquelles il dépend que selon la permission de son supérieur. Il lui est interdit d'en faire l'aumône, à moins que celui-ci ne l'en ait chargé. Mais s'il possède quelque bien qui ne soit pas soumis à la puissance du supérieur, Il a le pouvoir d'en disposer en faveur des pauvres. Note. Un moine ne peut faire l'aumône que dans les limites tracées par son supérieur. Or la permission expresse ou la volonté raisonnablement présumée de son supérieur, il ne peut rien donner. Si une femme, outre sa dot, possède d'autres biens provenant de son travail ou de toute autre source légitime, elle peut en faire l'aumône sans le consentement de son mari, mais avec modération et sagesse. Les fils de famille et les serviteurs n'ont le droit de faire que quelques aumônes peu considérables, qu'ils présument être agréables à leur père ou à leur maître. Fin de la note. 9. Devons-nous de préférence faire l'aumône à nos proches? Ceux qui nous sont naturellement unis, dit saint Augustin, nous sont en quelque sorte offerts par la Providence pour que nous sachions pourvoir à leurs besoins. Il y a pourtant à leur sujet un certain discernement à garder. Nous devons faire l'aumône à quelqu'un beaucoup plus saint, à celui qui se trouve dans une plus grande indigence ou qui est plus utile au bien général, de préférence à un proche. Lorsque l'union qui existe entre ce dernier et nous n'est pas si étroite que nous devions en prendre un soin spécial. Mais, toute chose égale, nous devons plutôt venir au secours des nôtres. C'est une libéralité digne d'éloge, écrivait saint Ambroise, que celle qui vous fait secourir vos proches, quand vous connaissez leur indigence. 10. L'aumône doit-elle être abondante? Si vous avez beaucoup, disait Tobie à son fils, donnez beaucoup. Tobie 4:3. Chez celui qui donne beaucoup en raison de ses moyens, l'aumône est abondante. En ce sens, c'est une chose louable de faire l'aumône avec abondance. Le Seigneur fit remarquer une pauvre veuve qui, dans son indigence même, avait donné tout ce qu'elle avait. Il faut se rappeler, toutefois, les principes émis plus haut au sujet du nécessaire. Chez celui qui reçoit, l'aumône est abondante de deux manières, d'abord, quand elle supplée suffisamment à son indigence, en second lieu, lorsqu'elle crée chez lui un superflu, et, dans ce cas, elle est blâmable. En la répandant sur plusieurs indigents, on la rendrait plus utile. Note. On doit donner à l'indigent de quoi vivre, mais non pas de quoi vivre avec luxe. Il convient pourtant de faire la part des diverses conditions, car il est des hommes qui, ayant été élevés avec plus de délicatesse, ont besoin d'aliments meilleurs et d'habits plus commodes. C'est là ce qui fait dire à saint Ambroise, il faut considérer dans l'aumône l'âge et la faiblesse de la personne qui reçoit, parfois aussi la honte qui trahit une origine plus élevée. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.